le ciel gris devient trop lourd, quand ton amour devient trop loin, quand l'allée devient sans retour vers un ailleurs qui n'est que le mien, quelque part qui n'est qu'un détour, une halte sur un chemin, une pause loin des vautours, dans un endroit qui m'appartient. Il me faut juste un peu de temps entre un café, une cigarette, comme un temps mort, une mi-temps, juste un moment où tout s'arrête. Quand le regard se fait absent, comme des persiennes closes, abritant le vide, le néant, derrière une barrière morose. Y'a rien à trouver là-dedans, c'est juste fermé sans cause. Je reste à attendre le vent qui balayera ces choses. Il me faut juste un peu de temps entre un café, une cigarette, comme un temps mort, une mi-temps, juste un moment où tout s'arrête. Je deviens alors No Man's Man. C'est écrit, passe ton chemin, viens pas ici tomber en panne, le sol est trop incertain et engloutit les caravanes de bonnes humeurs et d'entrain. Ce sable mouvant qui condamne à regarder passer au loin. Il me faut juste un peu de temps entre un café, une cigarette, comme un temps mort, une mi-temps, juste un moment où tout s'arrête. Toi qui m'aimes, toi qui le dis, toi que j'entends, toi que je crois, ta patience est-elle infinie? Sauras-tu m'attendre jusqu'à demain, jusqu'à midi, ou jusqu'à jamais, je sais pas, que je revienne des jours de pluie, vivre le soleil dans tes bras. Il me faut juste un peu de temps entre un café, une cigarette, comme un temps mort, une mi-temps, juste un moment où tout s'arrête, où tout s'arrête.